Ma femme ne veut pas être prédicateur associé, ça fait que je la comprends, je l'approuve d'ailleurs. C'est pour ça que je tourne ma caméra. Là, vous me voyez de côté, mais tout à l'heure, vous allez me voir de face. Avant de je vous partage mon écran, on va juste débuter avec un mot de prière. Parce qu'à chaque fois qu'on ouvre la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui doit nous guider. Et même si j'ai préparé quelque chose, bien souvent, il utilise la langue du prédicateur au moment même où il présente le texte. Ça fait que je vais prier. Seigneur, je te prie de vraiment nous bénir ce matin. Moi, tu m'as déjà béni en grande partie parce que j'ai eu à travailler le texte pendant plusieurs heures. Mais... en même temps, Seigneur, on n'a pas fini d'être comblé par toi à travers ta parole. Ta parole est vraiment une consolation pour nos âmes dans ce temps difficile, dans le temps qui nous reste à vivre, dans le temps que tu nous as assigné sur cette terre. Donc, glorifie-toi à travers la faiblesse de ton serviteur, de sorte que tous et chacun ici en retire quelque chose qui va les fortifier dans ce temps difficile. Et ça, Seigneur, ce n'est pas un miracle que moi j'accomplis, c'est vraiment toi qui le fais. Fait que sois glorifié, Seigneur. Amen. Gilles l'a fait en introduction. On retourne à Ésaïe. Il y a déjà une main levée? Moi, je n'ai pas de main levée. Ma femme m'a dit là, que j'avais y avait une main levée. Il n'y aura pas d'interruption pendant la présentation. C'est seulement qu'à la fin qu'il va y avoir des partages où je vais pouvoir poser des questions que parfois je vais répondre et que d'autres vont répondre aussi. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Le micro, ça va, tout ça? Le livre d'Ésaïe, ce n'est pas un livre facile. C'est un livre qui demande du travail. Dieu l'a voulu ainsi, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Si je l'avais écrit, j'écrirais dans la langue d'aujourd'hui pour que ce soit facilement compréhensible par tous. Le livre d'Ésaïe est en grande partie écrit dans un langage métaphorique, un langage poétique, bien que des parties historiques où c'est écrit en prose. Il y a quelques passages en prose dans le livre d'Ésaïe. C'est plus facile quand c'est écrit en prose que quand c'est écrit en métaphorique. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est moi qui ne vous vois plus ici, ce ne sera pas long. On va vous mettre sur la map. OK. Fait que vous voyez, introduction, pourquoi étudier le livre d'Ésaïe. Ça va? 1 Corinthiens 10, 11 et 12, versets 10 et 11 et 12. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Donc, Dieu a écrit, à travers le prophète Ésaïe, des prophéties. Il a écrit aussi des événements historiques. Et ça a été écrit dans le but de nous servir d'instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. La fin des siècles, là, c'est la période qui précède le retour de Jésus-Christ. Et définitivement, on est plus dans la fin des siècles qu'au début de quand le verset de 1 Corinthiens a été écrit. Donc, on est encore plus près de la fin des siècles mais qu'au moment où ce passage-là a été écrit. Donc, on étudie le prophète Ésaïe dans ce but-là, que ça nous serve d'instruction. Hébreux 1 et 2, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Ésaïe est un prophète, il est connu comme prophète de Dieu, même dans d'autres livres de l'Ancien Testament et dans plusieurs livres du Nouveau Testament, il est identifié comme Ésaïe le prophète. Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Évidemment, Jésus est venu après Ésaïe, il a complété beaucoup les instructions de Dieu et la compréhension qu'on a des choses de Dieu et de sa volonté. Et Jésus n'est pas arrivé, comme on dit souvent, comme un cheveu qui est tombé sur la soupe. Vous savez, quand vous faites servir une soupe au restaurant ou un potage, s'il y a un cheveu dessus, vous allez avoir un haut le cœur. À moins que vous soyez comme moi, vous prenez le cheveu, vous le mettez à côté et vous mangez votre soupe parce que vous avez trop faim, vous n'êtes pas capable d'attendre. La plupart des gens prennent le cheveu, ils le laissent là, puis ils disent « Huit! Partez avec! » Jésus n'est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe. Jésus est venu, il a été annoncé, particulièrement par le prophète Ésaïe, mais par d'autres prophètes. Et il a accompli parfaitement tout ce que les Écritures avaient dit de lui. Et évidemment, les Écritures ne se sont pas arrêtées avec Jésus, dans le sens que l'Église a débuté et d'autres écrivains sont venus compléter la révélation que Dieu nous a laissée à travers sa parole. Ça va jusque-là? Vous suivez? Bon, là, il faut que je clique ici. Comment éviter... Je vais sauter d'une page, excusez-moi. Comment utiliser le livre d'Ésaïe le prophète? 2 Pierre 1, 19 à 21 nous dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. » Parole prophétique, particulièrement celle d'Ésaïe qui nous intéresse, « comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Ça, évidemment, ça pointe vers le retour de Jésus. Et le point qui est important pour nous, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture, dit que cite la Bible, ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Ou particulière ici a un sens qui n'est pas toujours facile pour nous. Particulière voulant dire ici d'interprétation personnelle, puis sous-entendu erroné. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Ésaïe a été poussé par le Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu. Donc, on doit se garder de faire des interprétations. Et particulièrement quand on lit le prophète Ésaïe, c'est très facile de tomber dans des interprétations particulières. Ce n'est pas un livre facile. Comment éviter de faire des interprétations particulières, incorrectes, si on peut dire? Bien, la première chose qu'on doit faire à chaque fois qu'on étudie les Écritures, c'est demander à Dieu de nous garder de cela par son Saint-Esprit. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui font des interprétations particulières, pas seulement avec le prophète Ésaïe, mais avec plein d'autres livres. Le livre d'Ésaïe, c'est 66 chapitres. À raison de 3 chapitres par jour, ça vous prend 22 jours pour le lire et le méditer. Il y a lire, là, une traite, ça se fait, mais vous n'aurez pas le temps de méditer beaucoup. Et méditer va vous amener à réfléchir sur des choses que vous allez avoir de la difficulté à comprendre. Donc, je vous exhorte, on vous avait exhorté dès le début à le faire, de lire le livre d'Ésaïe. Je vous recommande de faire 3 chapitres par jour. Prenez environ 20 à une demi-heure par jour là-dessus, pour vous familiariser avec le livre. Comprendre le contexte historique, particulièrement en lisant 2 Rois 15 à 21 et 2 Chroniques 26 à 32. En passant, tous ceux qui veulent le texte de ce matin, là, vous avez juste à m'envoyer. Il y en a déjà qui l'ont reçu, mais d'autres qui ne sont pas sur ma liste de distribution, je vais vous le transmettre. Il n'y a rien de secret dans ce que je dis. Vous pouvez prendre des notes aussi, là, ça c'est bien. L'autre manière aussi de comprendre le contexte, de savoir un peu plus ce qui se passe, c'est de lire les prophètes contemporains d'Ésaïe. Il y en a 2, Osée et Michée. Vous pouvez lire toutes les Écritures, mais dans un premier temps, vous consacrez à Osée et à Michée. Osée, c'est un petit prophète d'une douzaine de chapitres, relativement facile à lire. Et Michée, je pense qu'il y a cinq ou six chapitres. Utilisez une bonne chronologie. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous en présenter une. Sans chronologie, Ésaïe est à peu près incompréhensible. Consultez un bon commentaire biblique. Je n'ai jamais mis le commentaire biblique au début. Si vous n'avez pas fait les étapes précédentes, vous allez avoir une interprétation basée sur le commentaire biblique. Il n'y a aucun commentaire biblique qui est parfait. Et Dieu répond à la prière que vous faites dès le départ d'avoir une compréhension juste et équitable pour chacun d'entre vous, si vous prenez le temps de vous confier en lui quand vous faites l'étude du livre d'Ésaïe. Et point numéro 7, Gilles vous a déjà exhorté à le faire, avoir votre Bible en main le dimanche lors des enseignements. Moi, à chaque fois, quand ce n'est pas moi qui prêche, je suis toujours en train de prendre des notes. Quand quelqu'un cite un passage, des fois, je n'ai pas le temps de le lire, de le méditer, mais je prends au moins la référence et je vais le vérifier après. Parce que c'est important. Là, la plupart des passages que je vais citer sont déjà à l'écran. Fait que si vous avez une copie des notes, ça va vous aider. Bon, vous allez avoir difficulté à lire ce texte-là. Ça, c'est le plan chronologique du livre d'Ésaïe que je vous ai distribué à tout le monde au début. C'est le plan sous forme déroulement par chapitre. Il est difficile à lire pour vous, là, mais je n'ai pas voulu qu'il soit plus facile à lire. Parce que je ne vais pas revenir sur ce plan-là, vous l'expliquer en détail. Mais ce document-là, on vous a suggéré dès le départ de considérer que les prophéties d'Ésaïe se déroulent d'un point A dans le temps à un point Z à la fin. Autrement dit, ils sont datés à l'intérieur du livre. Ils correspondent à des événements reliés à l'accession au trône des rois avec lesquels Ésaïe a eu à travailler ou œuvrer. Et là-dedans, on trouve beaucoup d'informations. Le plan qui est proposé ici là, suit le chapitre du chapitre 1 au chapitre 66. C'est vrai que ça, c'est un document qui peut vous aider. J'ai bonifié le plan que vous aviez au départ en ajoutant quelques dates. Vous allez voir, ça se retrouve dans la prochaine slide sur la chronologie. Ça va? C'est toujours encore là notre méthodologie pour vous aider. Parce qu'on reprend Ésaïe et on va le tenir encore longtemps. On en a pour facilement encore une année dans Ésaïe et plus. Donc, si vous ne voulez pas que ça devienne trop plate, il faut que vous arriviez à saisir un tout petit peu. Fait que je vous suggère, vous avez un petit travail à faire. Et personnel, on n'est pas tous pareils. Il y a des gens comme moi qui aiment gratter à fond plein de choses. Il y en a d'autres qui aiment plus les aspects application de la parole de Dieu. Mais peu importe le caractère que vous avez ou que nous avons, qui nous a été donné par Dieu, je vous suggère quand même de faire quelques efforts. Et ça, je ne peux pas le faire à votre place. C'est bon? La prochaine slide, ça, je l'ai distribué aussi. Je l'ai bonifié depuis et elle est très utile. C'est le même... C'est une... On appelle ça un déroulement au fil des années. En haut, vous avez l'échelle du temps. Les années sont comptées avant Jésus-Christ, ici. Dans cette ligne-là, vous voyez ma souris qui se promène? OK. Dans la ligne d'ici, ce sont les rois du royaume d'Israël, les 10 tribus du Nord. Dans la ligne ici, ce sont les rois du royaume de Juda. OK. Avec différentes dates. Et vous avez le prophète Ésaïe qui a œuvré approximativement à partir de 760 jusqu'à dépasser dans le début du règne de Manassé vers 680. C'est un très, très, très long temps. Et il n'y a pas eu un ministère prophétique sur toute cette durée-là. Il semble que du temps d'Ozias, Ésaïe était plutôt un écrivain dans les chroniques des rois de Juda et d'Israël. Et à partir de la mort du roi Ozias, il y a eu un appel de la part de Dieu que l'on a vu déjà au chapitre 6 et qui s'est continué jusqu'à la fin du règne d'Ézéchias. Ésaïe n'est pas mort sous le règne d'Ézéchias, il est mort plus sur le règne de son fils Manassé, qui a été un persécuteur de tout ce qui venait de Dieu à cette époque-là. Osée, ben, il est situé ici, et Michée est situé ici. Ça va? Ce que j'ai ajouté par rapport à ce que vous aviez au début, c'est les références à Ésaïe. Comme Ésaïe 6.1, ici, c'est l'appel d'Ésaïe, ça correspond à la mort du roi Ozias. Il a reçu son appel vers 739 environ. En passant, les dates, ce ne sont pas un absolu. L'histoire a quelques difficultés. On parle des historiens bibliques qui ont fait bien attention à toutes les données bibliques, ont de la difficulté à préciser certaines dates. Il semble avoir certaines informations contradictoires qu'on n'a pas su éclaircir encore. Et ce n'est pas une chronologie exacte, mais ça nous permet quand même de voir l'évolution de la prophétie d'Ésaïe et ce vers quoi Dieu dirige l'enseignement principal de ce livre-là. Je ne passerai pas avec vous tous les points. Le texte qu'on va voir ce matin se situe ici. Nous, on est dans le chapitre 17. Au chapitre 14, Dieu a fait une prophétie, vous allez le voir, on va voir le verset tout à l'heure, concernant Moab, qui va avoir son accomplissement environ 3 ans plus tard. Et c'est mentionné aussi dans le verset 20 d'Ésaïe. Vous avez remarqué, les versets d'Ésaïe s'en vont en croissant parce que c'est comme ça. Les prophéties d'Ésaïe sont datées à partir des règnes. Le point qui se passe à travers ce déroulement-là, je vous annonce quelque chose qu'on va revoir un peu plus tard, c'est que Dieu est en train de détruire tous les appuis idolâtres de son peuple. Et quand je dis idolâtre, ce n'est pas toujours relié à des idoles d'Astarté ou de... C'est aussi relié à des moyens humains pour s'en sortir par rapport à un ennemi qui s'en va croissant. Et à cette époque-là, vous avez ici en dessous là, l'échelle des rois d'Assyrie qui vont perdurer, les rois d'Assyrie, jusqu'au temps du royaume de Babylone qui va commencer quelque part ici. Donc, vous avez aussi un autre règne ici. Rétine, c'est un roi de Syrie. Puis, vous avez aussi, ça ne nous intéresse pas dans le livre d'Ésaïe, mais ce qui se passe au niveau de l'Égypte ici. Il y a plein d'informations là-dessus dans cette chronologie-là qu'on ne se sert pas nécessairement, qui n'est pas nécessairement adapté à notre étude du livre d'Ésaïe. Ce qui est en train de se passer et qu'on a vu à date, c'est que vous avez les références à Ésaïe là, qui sont en rouge, que j'ai ajoutées sur la figure, vous avez déjà vu. Dieu est en train de détruire tous les royaumes, pas de détruire, mais d'anéantir tous les royaumes qui sont autour de son peuple. Et à la fin, il va rester à peu près juste Jérusalem et quelques bourgades autour qui vont être menacées par un terrible ennemi puissant qui s'appelle les Assyriens. Ça va commencer avec Damas. Dans le livre d'Ésaïe, ça commence avec Damas et le royaume d'Israël qui sont carrément... Puis ce sont des prophéties qui se réalisent du temps d'Ésaïe. Pendant qu'Ésaïe est vivant, ça se passe de son vivant, Dieu va complètement anéantir l'influence de Damas et le royaume d'Israël n'existera plus. Il distribue ça ici, là, ce qui est en jaune. Après ça, bien, il va viser le royaume ici de la Philistie, hein, Ashdod. Après ça, ça va être le royaume de Moab. En passant, la Syrie, ça avait de l'influence jusqu'ici. Là. La Syrie avait, vous allez voir tout à l'heure dans notre texte qu'on va lire, il va y avoir une ville qui est mentionnée qui était tout près d'ici. Et en détruisant l'influence de la Syrie et non pas de la Syrie, Dieu a enlevé toute forme d'appui à son peuple ici. Israël était vraiment à la fin. Là. Le royaume de Juda était vraiment tout seul. Vous allez voir, ça importe l'importance dans notre texte. Donc, les prophéties du livre d'Ésaïe sont campées dans la géographie et les empires dominants de cette époque. La Syrie n'est pas le seul empire mentionné. Il y a des empires qui sont prophétiques, qui ne se sont pas passés du temps d'Ésaïe, en particulier le royaume de Babylone, qui va avoir énormément d'impact sur le... Mais ça se passe 150 ans ou quelques centaines d'années après la mort d'Ésaïe. Et évidemment, le livre d'Ésaïe va jusqu'à la fin des temps. Dans les accomplissements qui se passent du temps de la vie d'Ésaïe, et même, dans le temps immédiat à son époque, il y a des accomplissements partiels d'une prophétie qui va avoir un incident jusqu'à la fin des temps, et ça apparaît dans notre texte de ce matin. La puissance, au moment où Ésaïe écrit, la puissance qui s'est développée, qui a pris son expansion maximale, c'est l'Assyrie. À ce moment-là, Babylone est un royaume vassal de l'Assyrie. Et les différents rois qui se succèdent en Assyrie vont envahir d'abord l'Assyrie ici. Ils vont descendre progressivement, vont venir chercher le royaume des Philistins, après ça Moab. Et à la toute fin de leur influence, mais à la toute fin du livre d'Ésaïe, pas la toute fin, mais vers le milieu du livre d'Ésaïe, ils vont venir s'attaquer même à ce qui reste ici, Juda, qui va avoir été d'ailleurs rétréci parce que les rois d'Assyrie progressent dans le temps et ils établissent leur domination. Et à chaque fois qu'ils établissent leur domination, ils détruisent le pays qui envahissent, ils déportent les habitants. Et en bout de ligne, ils finissent par importer d'autres personnes qui viennent vivre dans ces pays-là. Fait que la meilleure façon de déstructurer une nation, c'est de faire ça. Les Allemands ont fait pareil dans la dernière guerre avec certaines portions de l'Europe. Ça, c'est des figures qu'on a déjà vues. Okay? J'ai fait juste les reproduire pour que vous soyez remises dans le bain. C'est beaucoup d'informations en peu de temps. Hein? Je sais que pour vous, là, ça peut vous paraître très difficile. C'est pour ça qu'en ayant les notes, vous allez pouvoir aller revérifier ces choses-là. Le contexte immédiat du chapitre 15 d'Ésaïe, c'est d'abord Ésaïe 14, 28, 29. Si vous avez votre Bible, c'est à peu près une page avant le chapitre 17. L'année de la mort du roi Akaz. Si on revient à... L'année de la mort du roi Akaz. Akaz est ici. Il est décédé ici, c'est vous voyez, 14-28, il est là. Cet oracle fut prononcé, « Ne te réjouis pas, pays des Philistins. » Là, il faut lire tout le reste, mais ça annonce la destruction, ou pas la destruction, mais l'envahissement de la Philistie par les Assyriens. Ésaïe 16-14, ça complète cette prophétie-là. Là. Et 16, c'est au niveau de... 15 et 16, c'est un oracle sur Moab. Et maintenant, l'Éternel parle et dit, dans 3 ans, comme les années d'un mercenaire. Je n'ai pas fait de recherche pour savoir c'était quoi les années d'un mercenaire, mais j'imagine que ça ressemble beaucoup à une année civile. Dans 3 ans, comme les années d'un mercenaire, la gloire de Moab sera l'objet du mépris. Avec toute cette grande multitude, ce qui restera sera peu de choses, presque rien. Et 3 ans, ça se produit dans le chapitre 20 du livre d'Ésaïe, 20, verset 1. Donc, Ésaïe, il faut comprendre qu'il y a plein de prophéties d'Ésaïe qui se sont accomplies de son vivant ou que les gens ont été à même de constater que la prophétie qu'ils avaient prononcée s'est accomplie, même si Ésaïe était décédé. Et dans le cas d'Israël, quand sont arrivées les invasions babyloniennes 150 ans après le temps d'Ésaïe, les gens vont savoir qu'Ésaïe avait annoncé des choses qui se sont produites après sa mort. Donc, ici, là, ce que Dieu bâtit à travers Ésaïe, c'est l'autorité du prophète. S'il n'y avait eu aucune prophétie d'Ésaïe qui s'était accomplie, et de son vivant, ou après sa mort, et Ésaïe parle beaucoup sur Jésus, là, qui est 700 ans après lui, là. L'autorité du prophète vient de ces accomplissements-là que Dieu a donnés à la parole que Ésaïe a écrite ou prononcée, parce que Ésaïe, le principal de son ministère, est écrit. Mais il y a aussi des périodes où il est appelé à agir comme une parabole vivante. Lui et son fils, Chalal, Cache-Masmer, vous avez ça, le mot, attendez, je vais le dire comme il faut, parce que j'ai trop de la misère à dire ce nom-là. Au chapitre 8, 3, l'Éternel me dit, donne-lui pour nom, c'est son fils, là, ça. Il vient de naître, Maher Shalal Kashbaz. Ça a une signification pour Israël à ce moment-là. Et c'est la prophétie de la jeune fille qui sera enceinte. Vous savez que cette prophétie-là annonce ce qui va arriver à Marie 700 ans après, avec la naissance de Jésus. Mais elle a eu un accomplissement dans la vie d'Ésaïe avec cette. Ésaïe s'est approché de la prophétesse, c'est sa femme. À ce moment-là, elle a eu un enfant. Et avant que l'enfant sache dire mon père, ma mère, le pays dont tu crains les deux rois, c'est une prophétie qui est adressée à Akaz, va être détruit par les Assyriens. C'est pour vous dire à quel point les prophéties d'Ésaïe que Dieu lui donne sont avant les moments où ça se produit. Maintenant, on est rendu à notre texte. Tout ça, toute une grande introduction pour lire notre texte. On va le lire assez rapidement. Je n'ai pas intention de méditer sur tous les passages. On va le commenter en même temps. Oracle sur Damas. Damas, vous savez, c'est la Syrie. En fait, ce n'est pas un oracle sur Damas, mais beaucoup plus sur Jacob, Israël au complet. À part les trois premiers versets qui parlent de Damas, le reste est tourné vers Jacob et vers Israël. Oracle sur Damas. Voici Damas ne sera plus une ville. Elle ne sera qu'un monceau de ruines. Les villes d'Aroer sont abandonnées. Elles sont livrées aux troupeaux. Aroer, pour savoir où c'est, là, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est ici. Damas est là en haut. C'est toujours le même pays, mais la présentation est différente un petit peu. Les villes d'Aroer sont abandonnées, elles sont livrées aux troupeaux, ils s'y couchent et personne ne les effraie. C'est en effet de la forteresse d'Éphraïm et du royaume de Damas. Rappelez-vous l'alliance qu'Éphraïm. Éphraïm, c'est les distributs du nord, ont faite avec la Syrie pour attaquer Juda. Alliance que Dieu a dénoncée et qu'il a dit que ça n'arriverait pas et qui a empêché de s'exécuter. Et le roi Akaz, qui vit cette promesse-là, est un très mauvais roi de Juda. C'est un idolâtre qui a fait brûler un de ses enfants par le feu. C'est le père d'Ézéchias qui va être notre roi du chapitre 36 dans Ésaïe. Et ce roi-là, Dieu a quand même protégé Juda de l'alliance qui s'était faite entre Damas et Israël. Ou, si vous voulez, Éphraïm. Éphraïm, pourquoi on parle d'Éphraïm plutôt que d'Israël? C'est parce qu'Éphraïm, c'est la tribu dominante des 10 tribus. C'est elle qui impose la royauté à tout le monde. C'est en effet de la forteresse d'Éphraïm et du royaume de Damas et du reste de la Syrie. Il en sera comme de la gloire des enfants d'Israël, dit l'Éternel des armées. Donc, ça, cette partie du texte d'Ésaïe 17 est déjà accomplie. En ce jour, vous allez voir, en ce jour revient trois fois à Cégep. Il m'a fait remarquer ça vendredi, j'ai trouvé ça bien. Parce qu'en ce jour, ça a un impact immédiat, mais ça a un impact aussi à long terme. On va s'attarder vers la fin à l'impact à long terme. En ce jour, la gloire de Jacob sera affaiblie et la graisse de sa chair s'évanouira. Il en sera comme quand le moissonneur récolte les blés et que son bras coupe les épis, comme quand on ramasse les épis dans la vallée de Réphaïm. Réphaïm, c'était une plaine où on cultivait en tout cas du blé, ça c'est sûr. Il en restera un grappillage, comme quand on secoue l'olivier. Quand on fait la récolte des olives, on secoue l'olivier. Et c'est même encore une technique utilisée aujourd'hui. J'ai vu un documentaire où ils ont une machine maintenant qui brasse l'olivier, qui fait tomber les olives dans une espèce de grand filet. Et là, il reste deux ou trois olives qui sont plus résistantes que les autres, ils les laissent dans l'arbre. Il en restera un grappillage comme quand on secoue l'olivier. Deux, trois olives en haut de la cime. Quatre, cinq dans ses branches à fruits, dit l'Éternel d'Israël. Ce que Dieu dit ici, là, Il est en train d'annoncer qu'il est en train d'affaiblir volontairement son peuple. C'est relié au fait qu'Israël s'est éloigné de plus en plus de Dieu, qu'il y a de plus en plus un culte idolâtre. Et quand je dis Israël, il y a les dix tribus du Nord, ça c'est carrément évident, mais Juda est influencé par l'idolâtrie et par un éloignement de Dieu qui fait qu'il s'appuie davantage sur son bras, sur sa force, sur ses alliances. Akaz a envoyé des richesses au roi d'Assyrie pour que le roi d'Assyrie attaque Damas et le royaume d'Israël. Ça s'appelle s'appuyer sur sa force. N'est-ce pas ce qu'on fait encore aujourd'hui, les nations? En ce jour, verset 7, l'homme regardera vers son Créateur et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Il ne regardera plus vers les autels, l'ouvrage de ses mains. Il ne contemplera plus ce que ses doigts ont fabriqué, les idoles d'Astarté et les statues du soleil. À l'époque d'Ésaïe, à l'époque d'Israël, Astarté, c'est une divinité qui venait justement de Babylone et du royaume d'Assyrie. C'était une divinité idolâtre. Vous allez voir, dans certaines traductions, on va parler même de pieux sacrés. Et il y avait tout un culte qui s'était répandu à l'intérieur du pays. On croyait retirer de la force là-dedans. On adorait l'Éternel, mais on adorait en même temps ces idoles-là et les statues du soleil. Regardez le monde actuellement. Ça me vient à la tête, à l'esprit. Je n'avais pas ça dans la tête quand j'ai écrit le texte, quand j'ai réfléchi sur le texte. Regardez le monde aujourd'hui. Dieu n'est pas vraiment au contrôle de la création. Il faut absolument veiller à ce que la terre puisse subsister. Il faut faire plein de choses pour sauver la planète, sauver du réchauffement climatique, peu importe le sujet. Là. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qui se fait est mauvais. Je suis en train de dire que l'homme ne s'appuie pas sur son Créateur. Dieu dit ici à son peuple, « Je vais vous affaiblir et je vais faire en sorte que vous d'aller rechercher le Créateur et non plus vos appuis, qu'ils soient des idoles ou qu'ils soient des appuis purement humains. Et quand on regarde ce que Dieu a fait avec Juda, qui est resté seul avec Jérusalem, puis qu'un ennemi puissant est venu l'envahir, il n'a pas eu le choix de s'appuyer sur Dieu. Verset 9. En ce jour, ces villes fortes seront comme des débris dans la forêt, sur les cimes des montagnes, abandonnés devant les enfants d'Israël. Ce sera un désert. Au moment où Sanchérib, le roi du temps d'Ézéchias, va envahir, va envoyer Rabshaké devant la muraille de Jérusalem pour effrayer Juda, ce qui reste de Juda va être dans Jérusalem, ou presque. Tout ce qui est autour est vraiment en ruine. Il a attaqué déjà plusieurs villes en Juda. Il a détruit, déstructuré complètement Juda. Il ne reste pratiquement rien. Car tu as oublié le Dieu de ton salut. Et le problème de Juda, bien que Ézéchias est un bon roi, cité comme un roi qui a marché dans les voies de David, qui a fait plein de réformes, le peuple n'a pas suivi. Hein? Car tu as oublié le Dieu de ton salut, tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge. Aussi, tu as fait des plantations d'agrément, tu as planté des cèpes étrangers. Et ça, tu as planté des cultes idolâtres. Tu t'es appuyé sur d'autres appuis que l'Éternel. Lorsque tu plantas, tu les entouras d'une haie et bientôt tu fais venir en fleurs. Mais la récolte a fui. Tu n'as rien récolté d'eux autres. Tu as perdu ton temps avec tes appuis. La récolte a fui au moment de la jouissance et la douleur est sans remède. Oh, quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte de nations! Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Les nations grondent comme grondent les grandes eaux. Vous avez déjà été au bord d'une mer en furie, là? Vous en voyez des fois à la télé, c'est effrayant des fois. Surtout dans un temps d'ouragan. Les nations grondent comme grondent les grandes eaux. Ils les menacent. Elles fuient au loin, chassées comme la balle des montagnes. Ils souffrent du vent, comme la poussière par un tourbillon. Ici, Dieu est en train de prévenir d'abord Judas que ça va arriver, cette chose-là. Quand la Syrie va envahir, vous allez voir au chapitre 36, c'est une armée de 190 000 hommes qui se tient devant la muraille de Jérusalem et va être détruite en un instant, durant la nuit. Mais ça annonce quelque chose qui est à venir aussi. Parce que ce qui s'est passé du temps d'Ésaïe, dans le temps d'Ézéchias, va se reproduire à la fin des temps quand Jérusalem va être encerclée par les nations. Et le peuple de Dieu qui va rester à ce moment-là va être pris dans le tumulte. Et il n'aura pas le choix que de se tourner vers son Créateur. Et c'est Dieu qui fait ça. Est-ce que la COVID dans laquelle on est en vie n'est qu'une première étape de ça? Je ne le sais pas. Je ne voudrais pas faire ce rapprochement-là trop facile. Mais il est en train de se passer quelque chose dans notre monde. Puis les croyants, on va être au bâton. Là. Ils sont en train de s'endurcir contre nous. Quand vient le soir, voici Dieu annonce quand même ici qu'il va les délivrer. Hein? Il les menace, ça c'est Dieu qui menace. Et elle fuit au loin, chassée comme de la balle. Quand Dieu va les menacer, là, c'est comme quand le vent souffle sur de la balle, là, des rouleaux de paille qui s'en vont au vent. C'est exactement comme ça que ça va se passer quand l'Éternel va intervenir. Quand vient le soir, c'est une ruine soudaine, avant le matin, ils ne sont plus. Voilà le partage de ceux qui nous dépouillent, le sort de ceux qui nous pillent. Dieu annonce d'avance la délivrance qu'il va y avoir. Mais son peuple va avoir été mis dans la marmite. Et ça va cuire très fort, ça va bouillir en dessous, dedans. Vous savez, un presto, là, avec le psh, psh, psh, psh, ceux qui se souviennent de ça, là, aujourd'hui, ils ne le restent plus. Mais le presto, c'était ça, hein? Ça. Psh, psh, psh, psh. Et la pression a monté, puis il ne faut pas l'enlever le chaud parce que ça va tout sortir. Et Dieu ici, c'est lui qui enlève le feu. Donc, application, en réduisant à néant la force et la puissance de son peuple, Israël, vers 700 avant Jésus-Christ, l'Éternel a guéri de son idolâtrie criminelle et a poussé l'homme vers lui. La guérison n'a pas été totale à ce moment-là. Elle a duré quelques années, puis après ça, ils sont retombés dans l'idolâtrie, ce qui les a emmenés vers la deuxième étape, la destruction, c'est-à-dire quand les Babyloniens, le royaume de Babylone, va monter en puissance et va venir détruire le pays de Juda pendant 70 années. Mais le but de Dieu, c'est d'amener ses enfants à regarder vers son Créateur et ses yeux à se tourner, les yeux de son peuple, à se tourner vers le Saint d'Israël. Il ne regarde plus vers les autels, l'ouvrage de ses mains. Il ne comprend plus ce que ses doigts ont fabriqué. Vous savez, le christianisme dans le monde est quand même une puissance. Quand je dis le christianisme ici, c'est l'ensemble de ce qui se dit chrétien dans le monde. On a tendance, nous, les évangéliques, à dire les vrais chrétiens par rapport aux faux chrétiens. Oui, mais ça s'appelle quand même des gens qui relèvent du christianisme. Et ils sont beaucoup de chrétiens sont idolâtres. Ils s'appuient sur leur force. Ils s'appuient sur des politiques nationales. Aux États-Unis, c'est très fort. Pour faire valoir leurs droits. Dieu dit qu'il va enlever tout ça à un moment donné, puis qu'il va faire en sorte qu'on s'appuie sur lui, qu'on se débarrasse de nos appuis humains. Fait que pensons-y, parce que l'application de ça reste encore, elle n'est pas complétée avec Isaïe. Et en application, pour nous personnellement, en ce jour, vise premièrement le temps où le roi Ézéchias, du roi Ézéchias, mais laisse présager un accomplissement final à l'avènement de Jésus-Christ. Sommes-nous prêts à abandonner les ouvrages de nos mains et à ne plus contempler ce que nos doigts ont fabriqué? Moi-même, là, je suis le premier, je suis ingénieur, je suis habitué de faire des choses, puis je connais la profession dans laquelle je suis impliqué, et on a tout le temps des solutions, on en trouve des solutions humaines. Du temps de la case, il avait fait fabriquer par un ingénieur des machines de guerre. On a plein de choses comme ça. Mais est-ce qu'on met ça en avant de l'Éternel? Sommes-nous prêts à abandonner nos ouvrages de nos mains et à ne plus contempler ce que nos doigts ont fabriqué? Parce que c'est à ça que Dieu va nous amener. qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il va nous amener progressivement. Les vrais croyants, ceux qui restent, ceux qui vont rester attachés au Seigneur, à se fier sur lui exclusivement, pendant que le monde va être en colère contre nous. Ça a l'air négatif, mais je crois au contraire que c'est positif. Ça veut dire que Dieu prend soin de ses enfants. Et même si on est dans un monde ultra... on a accompli, pour le monde, pour les gens qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas des croyants, le monde est extraordinaire aujourd'hui. Il fait plein de choses, réalise plein d'affaires. On va reculer les limites de la mort. On va sur la lune, on va sur les étoiles. Il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on ne pouvait pas faire dans les siècles passés. Mais ce sont des ouvrages de main d'homme et ça éloigne de Dieu quand l'orgueil de l'homme est là-dedans. Regardez le privilège qu'on a de servir d'une technologie de Zoom pour pouvoir se parler. Mais est-ce que ça prend la place de Dieu? Ben non, j'espère que non. Mais on le voit comme un don de Dieu. Et si on n'avait pas ça, on pourrait se réunir autrement. Mais ça se peut qu'on soit obligé d'être dans l'illégalité parce qu'à un moment donné, on va être en contradiction avec ce que les hommes nous demandent de faire. Pour l'instant, on peut se dépanner avec ça. Comprenez? Et je suis pas en train de dire désobéir au gouvernement, mais ça peut arriver à un moment donné qu'il aille trop loin. Fait que sommes-nous prêts? C'est la question que je vous laisse débattre ce matin. Et avant de quitter, je vais dire bonjour à Diem. Ça fait longtemps qu'on a entendu parler de toi. Bravo! Je te remets la réunion. J'ai